Chérie, viens voir. Hey Germaine, je te dis, il y a le Père Noël. Arrête, tu déconnes. Non, viens voir. Hey, il y a le Père Noël. Oh, le Père Noël. Papa Noël. Oh, le Père Noël. Hello.